Le Derby d'Epsom par Charles Hiriart, chapitre 1er. Le grand jour est venu. C'est la fête nationale de l'Angleterre, et dans Londres, 2 millions d'habitants se préoccupent de ce qui va se passer à Epsom. Si 300 000 à 400 000 individus seulement se rendent sur le champ de course, on peut dire que presque toute l'Angleterre a les yeux tournés vers Epsom. C'est une fièvre, c'est une agitation immense, colossale, quelque chose d'énorme, qui dépasse l'imagination et qu'on essaiera vainement de peindre, tant l'effet est inouï et l'impression profonde. Depuis longtemps déjà, malgré les distractions fiévreuses de la saison, malgré les réunions, les dîners, les bals, le parc, les pique-niques élégants, les 1000 engagements de cette vie pressée, serrée, trop remplie, et qui mettrait sur les dents les Parisiens les plus actifs et les Parisiennes les plus entraînées, le derby revient fréquemment dans les conversations. Les paris sont engagés, les listes des poules, des loteries, des combinaisons de toute nature sont affichées dans les clubs. Chacun s'est pourvu. Celui-ci a une place dans un four in hand, celui-là frette un landau, un omnibus ou un char à banc. On se réunit, on s'accouple, on se cotise pour figurer au derby. À Paris, on veut briller et être vu. À Londres, l'ensemble est si prodigieux que personne ne prime. On ne se détache pas, on est un point dans cette immensité. Dès le matin, Piccadilly est sillonné de voitures de toutes sortes. On part dès la première heure. Ce n'est point non plus, comme chez nous, une procession joyeuse qui commence à heure fixe. On s'échelonne, et de tous les points, de toutes les routes, de toutes les issues, par tous les ponts, les bois, les avenues, débouchent, pendant 6 à 7 heures, incessamment, des files de voitures où toutes les classes, tous les genres, toutes les élégances, toutes les fortunes, toutes les modesties sont représentées. Depuis le jeune lord qui fait courir jusqu'au dernier des petits employés, des boutiquiers, des industriels hasardeux, chacun court vers Epsom. On a peut-être exagéré, pour l'étranger dénué de relations et qui n'a pas trouvé place dans un pique-nique, les difficultés de se rendre au derby. Pour une livre par tête, 25 francs, deux modestes compagnons peuvent fretter à Hansom, le cab classique. Depuis que les Américains ont envahi Paris, le moindre coupé ne coûte plus cher pour la marche ou pour Longchamp, et le nombre des voitures disponibles est si considérable à Londres qu'il est presque inépuisable. Seulement, c'est une tradition pour l'Anglais de bourrer sa voiture de paniers de victuailles et de bouteilles de champagne, de sherry ou de port wine. Le luncheon sur le turf est indispensable. On est parti de bonne heure, on a fait ses 8 lieues et plus, il faut se soutenir. Aussi, les places en pique-nique, dans un grand break, reviennent-elles généralement à 4 livres, 100 francs. Nous partons vers midi seulement. Jusque-là, à la fenêtre du St. James Club, nous regardons défiler les voitures. Les hommes sont, pour la plupart, revêtus de par-dessus gris, la fleur à la boutonnière, très élégants, très habillés, comme s'ils n'allaient point affronter la poussière des grandes routes. Les femmes sont très peu nombreuses, et quand on les considère de près, on s'aperçoit qu'elles n'appartiennent point à l'aristocratie, au contraire. Il n'est point du ton de la société d'assister au derby. Les femmes du grand monde se réservent pour Ascot, qui a lieu vers le milieu de juin. Des grosses sphères nord, on voit les préparatifs autour du monument de Wellington. Les trottoirs sont pleins. On assiste au départ. Les balcons des belles habitations qui regardent le parc de St. James se parent d'étoffes rouges. On traverse Londres, très animé, très en l'air, mais sans fracas, sans bruit et sans désordre. Dès qu'on a passé la Tamise et qu'on arrive dans les quartiers peuplés de petites maisons, l'enchantement commence. Toutes les familles sont réunies aux fenêtres, dans les jardins, derrière les palissades. Une sorte de vaste champ, à la sortie vers Clapham, est littéralement couvert d'une foule bariolée qui n'aura de la fête que l'aller et le retour des voitures. Plus de 8 lieues nous séparent d'Epsom, d'un village charmant, très pittoresque, dont les maisons coquettes, élégantes, pleines de fleurs, de femmes, d'enfants, de jolies filles coquettement appuyées ou croisées, sont les étapes qui conduisent au champ de course. 5 fois, dans 5 petits villages, le cabman s'arrête et fait souffler son cheval. Ces petites hôtelleries en plein vent sont d'un pittoresque achevé. Cela crève de monde, de la base aux fêtes. On se mêle, on se confond, on boit, on chante. Tout un monde parasite grouille autour des auberges. Déjà, la gaieté s'accuse. Des musiciens en plein vent, nègres coiffés de chapeaux gris et d'habits rayés, ou tudesques consciencieux qui ont étalé leur pupitre dans un coin et injuré Beethoven, viennent apporter leurs notes dans ce concert. À ce point d'arrêt, toujours doux, paisible et bon, le policeman rend service à chacun et veille à la sécurité de tous. Le cocher boit une pinte d'ale, un homme d'écurie rafraîchit les naseaux du cheval, les industriels se pressent autour des voitures, et les jolies filles aux fenêtres, qui envoyaient des baisers parce qu'on passait en brûlant la route, sont plus retenues et n'osent plus même regarder le voyageur qui n'est plus, comme tout à l'heure, un passant de balade, mais une réalité parfois effrontée. Les visages deviennent moins pressés. On traverse des prairies admirables avec de beaux horizons. Au bord des routes, les petites barrières, par un raffinement curieux d'industrialisme, sont couvertes ce jour-là de réclames qui répètent 10 000 fois un nom qu'il s'agit à tout prix d'apprendre à la foule. Au bout d'un champ, une famille dont le cottage est loin du bord de la route est venue s'adosser à la haie. Puis, tout d'un coup, sous un abri, une sorte d'anabaptiste, un membre de la société de propagande de la Bible, se dresse, blême, fanatique, tenant un grand étendard comme s'il assistait au sacre. Sur sa poitrine, il montre une sorte d'égide avec ces mots en gros caractères « Is the matter settled ?» Parfois, au milieu de ses joies, de ses licences, de ses grâces, de ses agitations et de ses entraînements, quand on s'arrête aux auberges parmi les nègres, les gypsies, les musiciens ambulants, un homme en chapeau noir, assez bien mis, s'approche de vous, glisse dans votre main un petit papier avec un dialogue tiré de la Bible et vous demande, d'un air absolument convaincu, « Mais au moins, l'aimez-vous bien, votre sauveur ?» Comme ceci encore est étrange et spécial, se rappelle à Dieu au milieu de cette ivresse terrestre. Nous n'avons plus qu'un mille à parcourir, nous arrivons. Voici déjà, dans le lointain, le champ de course avec l'immense tribune. Le terrain n'est pas plat comme le nôtre, mais bien mouvementé de petits vallons aux pentes douces, et c'est ce qui fait que cet étonnant tableau se compose si bien. L'entrée est un camp. Des milliers de charrettes sont dételées et chacun s'organise pour retrouver facilement son véhicule. Écurie provisoire, tente en plein vent, abri improvisé, hôtellerie de hasard, se dressent dans les champs et reçoivent ceux qui n'entrent pas sur la pelouse. Le mouvement est énorme, et cependant tout est paisible, pas un cri, pas une rixe, pas un accident. Cela nous frappera plus vivement encore dans un instant. Cependant les voitures à 4 chevaux, dragues, omnibus, chars à bancs, traversent toute cette foule qui se range et sait se tirer d'affaire. Au milieu de la route, impassible et doux, le policeman à cheval discipline, d'un geste toujours écouté, cette immense cohue équestre. Voici le grand stand. Nous sommes sur le terrain même, et nous y entrerons par le derrière des tribunes, ce qui correspond chez nous à l'entrée du pesage. À la porte même de la longue route qui dessert les tribunes, spectacle caractéristique, note curieuse et qui doit frapper des Français, stationne une lourde voiture aux initiales royales, voiture cellulaire tout ouverte, et qui montre ses 16 cellules éclairées par le haut et prête à recevoir les pickpockets et les mauvaises têtes qui troubleraient l'ordre public. Un policeman énorme se tient à la porte, un trousseau de clés à la main. C'est la loi qui veille, la loi protectrice, toujours respectée. Nous avons laissé sur la pelouse le hansom qui nous a amenés. Nous avons un weekly ticket pour le grand stand, c'est un billet de semaine, car on court 4 jours. Et nous gagnons la tribune où dans un des box, nous reconnaissons Sir Richard Wallace et son fils, le capitaine. Du haut du stand, le spectacle est prodigieux. C'est panoramique, cela ne peut ni se peindre ni se décrire. La tribune du grand stand s'élève avec ses 3 étages au milieu de 16 autres tribunes qu'elle domine. C'est une façade ouverte sur le champ, depuis le balcon jusqu'à la toiture, qui est elle-même une tribune en gradin. Ce ne sont que des têtes, des couleurs vives, châles rouges, voiles bleues au chapeau, par-dessus blanc, taches chatoyantes sur les tons clairs du fond. À nos pieds, c'est l'enceinte du pesage, ou plutôt la cour des tribunes. Chacune de ces enceintes, correspondant à son stand, est séparée par une grille. Les champs divisés appartiennent à des propriétaires différents, qui érige à l'entrée un prix qui varie suivant qu'on s'approche ou qu'on s'éloigne du grand stand. Il n'y a pas une femme dans cette enceinte, si élégante chez nous, où se presse la fine fleur de l'aristocratie française et les échantillons les plus exquis du grand nihilisme moderne. Le monde qui nous entoure est très calme, on parie à voix basse, on s'engage d'un mot bref. Une masse d'individus avec des noms d'agences de poules inscrits sur leurs casquettes, la bourse en bandoulière et le carnet au poing vous offre un cheval. La spécialité de cette langue du turf, la rapidité du mot échangé, nous empêche de saisir un seul terme de ces transactions. Du reste, il n'y a pas là un Français dont on puisse citer le nom. Ce n'est plus comme au temps de gladiateurs. Il est 3h15. La piste envahie par un flot humain et qu'il semblerait impossible de reconquérir s'est peu à peu dégarnie et chacun a repris sa place derrière les chaînes. Le terrain est libre. Un policeman à cheval précède 25 chevaux qui s'avancent au pas avec les minces jockeys aux vives couleurs. Ce sont les lutteurs du derby. Ils passent lentement devant nous et chacun, au passage, avec un coup d'œil d'anglais et de parisien, exprime son avis d'un mot bref. Le nom du favori est dans toutes les bouches. On l'applaudit quand il arrive devant le grand stand. C'est un moment de calme. Le départ est assez loin du pesage, contrairement à nos coutumes. Tout le monde est en place. C'est le moment où l'ensemble a son caractère. Nous sommes au pied des tribunes. En face de nous, à droite et à gauche, se déroule un incomparable spectacle. Ce que nous appellerions à Paris la pelouse, c'est-à-dire le champ intérieur, est une colline qui, par des pentes douces et lentes, arrive à former amphithéâtre. Au pied de cette colline, coupée çà et là par des routes, parallèlement à la piste et appuyée aux chaînes qui la délimitent, stationnent, sur tout le parcours, dans une étendue de plusieurs lieues, des milliers de voitures tout attelées, sur le haut desquelles la foule s'est groupée, étayée depuis le fait jusqu'au marchepied, s'accrochant à toute saillie, à toute hauteur, qui peut mettre un être humain au-dessus des flots de cette mer humaine. Sur les pentes qui sont plus en arrière, d'autres groupes de voitures séparées par une route et par une enceinte indiquent une diversion bien tranchée, et en haut, sur le pont culminant, sur un fond de grandes tentes dressées les unes à côté des autres, restaurant en plein air pour la foule à pied, se détachent encore et toujours des voitures attelées. Le tapis de la prairie disparaît sous cette masse. À droite, sur le versant, des théâtres en plein vent, des baladins, des Hercules du Nord, étalent leurs prodigieuses enseignes. Des masses se dressent, des bannières flamboient, des enseignes gigantesques de femmes sauvages, d'animaux féroces, de débitants de serpents mal portants, font un vaste champ de foire. À notre gauche, les plaines vallonnées se succèdent, et plus loin que nos yeux ne peuvent porter, serpente la foule qui suit le dessin de la piste et forme un grand cercle parallèle intérieur. C'est infini, immense et indescriptible. Mais le signal a été donné, et de l'autre côté de la piste, très loin du grand stand, un peu sur la droite et en haut de la colline, de manière à dessiner sur le ciel leur fine silhouette, les 25 coureurs sont partis comme une horde, comme un escadron, serrés, pressés et se découpant nettement sur l'horizon. Ils disparaissent en face de nous, puis un instant seulement, derrière l'amphithéâtre, et vont ressortir sur notre gauche. Le champ de course est tout à fait ovale, et par une disposition heureuse, le stand est placé de telle manière que pendant au moins 1 mile, on voit venir de face tous les coureurs constamment groupés. Autant que nous pouvons nous y entendre, c'est une magnifique lutte. Sans être sportsman, je me souviens des enthousiasmes pour gladiateurs et pour vermouth, et je constate qu'autour de moi, même au moment du paroxysme, quand une longueur de tête pouvait tout changer, il n'y eut ni un cri, ni un geste ardent, ni une manifestation passionnée. Tout cela contrarie nos idées et renverse nos traditions. J'ai cru que nous empruntions aux Anglais les fureurs dont nous avons été témoins à Paris, quand le vainqueur du Grand Prix rentre au pesage. Rien de pareil ici. Tout est calme, contenu, décent. Je ne doute pas qu'il ne soit vivement intéressé, mais l'intérêt ne se manifeste par aucune exclamation violente et aucun geste excentrique. Le prix gagné, l'Angleterre tout entière attend la grande nouvelle. Il est 3h40, les noms des vainqueurs sont inscrits, et de l'enceinte même du pesage, 50 à 60 pigeons voyageurs qu'on vient de lâcher s'élèvent en tournoyant dans le ciel. Ils montent, puis bientôt chacun prend sa direction. Dans un quart d'heure, Londres saura le nom du vainqueur. Nous quittons le grand stand et nous entrons au télégraphe. 25 guichets sont ouverts les uns à côté des autres. En une demi-heure, à toutes les parties de l'Angleterre, ils disent le nom du vainqueur et aux parieurs des grandes villes des trois royaumes, ils annoncent le résultat de la journée. C'est d'une organisation extraordinaire, d'une perfection de fonctionnement inouïe et d'un calme accompli. Jusqu'à présent, de cette orgie qu'on nous a prédite, de ce carnaval éhonté dont les Anglais eux-mêmes ont voulu nous dégoûter par avance, nous n'avons rien vu, rien que du mouvement, de l'intérêt, du plaisir. Au départ, une agitation particulière, une fièvre qui n'a rien que de joyeux et de doux, des démonstrations charmantes, d'une familiarité curieuse et faite pour nous surprendre, des jeunes filles légèrement surexcitées par cette espèce de fièvre qui s'empare de Londres et de l'Angleterre en ce grand jour de derby, mais pas une note discordante. Où donc est la tâche? Où donc le verre? Mais, me dit-on, si vous n'allez pas sur le champ, sur la pelouse, le hill, vous ne verrez que le côté, pour ainsi dire, officiel de la fête. C'est là que rugit la bacchanale et s'étale l'orgie. En considérant du haut du stand cette colossale mise en scène, ce champ de foire gigantesque, cette kermesse phénoménale, je pensais qu'effectivement c'est là où devait se concentrer l'attrait pittoresque. En somme, cette démonstration inouïe, cette manifestation à laquelle rien ne doit être comparé par le côté immense de son développement, ne peut être pour l'étranger qu'un sujet d'admiration et d'envie. On a forcé la note et exagéré la crudité des tons dans la plupart des études faites d'après nature sur le derby dans les différentes publications françaises. Le côté orgiaque, le côté féroce, ne nous a pas frappés et nous sommes allés jusqu'au fond. L'ivresse, cette plaie de l'Angleterre, ne s'est point manifestée à nous d'une façon exceptionnelle, et nous cherchons encore ces troupes de sollicitors à lunettes, au nez de carton et au col de papier qu'on nous avait annoncés. Cependant, nous étions dans leur camp. Il me reste à peindre la pelouse et le retour qui est, de toute cette journée, la chose la plus extraordinaire, la plus imposante et, je dois le dire, la plus douce et la plus aimable.